pense plus à demain quand t'es avec moi. Tends-moi la main. Monte avec moi, je t'emmène là où les autres vont. Ferme les yeux, ouvre ton cœur, le reste on verra. Ne pense plus à demain quand t'es avec moi. Tends-moi la main. Je comprends pas, tout a changé. On se comporte tous les deux comme deux étranges. Fini le temps où on échange. Amour et haine se sont mélangés. Sèche les larmes et suis ton rythme. Puisque notre amour est éternel. Donnons sens à nos rêves. Tes lèvres sur mes lèvres jusqu'à ce que le soleil se lève. Yeah. Monte avec moi, je t'emmène là où les autres vont. Ferme les yeux, ouvre ton cœur, le reste on verra. Ne pense plus à demain quand t'es avec moi. Tends-moi la main. Monte avec moi, je t'emmène là où les autres vont. Ferme les yeux, ouvre ton cœur, le reste on verra. Ne pense plus à demain tant que t'es avec moi. Tends-moi la main. Je me rentrerai dans tes rêves. Hanter tes nuits. Jusqu'à ce que ma vie s'achève. Je t'ai dit cette mélodie. J'aime quand tu souris. T'es ma milady. Si l'on conjuguait nos vies. Je me rentrerai dans tes rêves. Je me rentrerai dans tes rêves. Je me rentrerai dans. M'inviter dans tes rêves. J'ai dit cette mélodie. J'aime quand tu souris. T'es ma milady. Si on conjuguait nos vies. Je me rentrais dans tes rêves. Je me rentrais dans tes rêves. Je me rentrais dans tes rêves. M'inviter dans tes rêves. Monte avec moi, je t'emmène là où les autres vont. Ferme les yeux, ouvre ton cœur, le reste on verra. Ne pense plus à demain tant que t'es avec moi. Tends-moi la main. Monte avec moi, je t'emmène là où les autres vont. Ferme les yeux, ouvre ton cœur, le reste on verra. Ne pense plus à demain tant que t'es avec moi.